comme le tour de sa vie en ce moment. Donc je suis en train de considérer la possibilité peut-être de déplacer le cours du 5 février. Et il faut aussi, parce que de toute manière, l'école m'a déjà dit que cette salle ici est occupée, il faut de toute manière déplacer là, le cours dans une autre salle. Et donc je vais vous communiquer la prochaine fois si on va garder la date aussi, peut-être on va peut-être le caler entre deux autres mardis, peut-être en mars ou avril. En théorie, on pourrait aussi rajouter encore une séance à la fin, mais là, ça veut dire qu'on arrive au mois de mai, parce que autrement, le cours devrait terminer le 18 avril, ce qui est d'ailleurs aussi bon, parce qu'après, il y a les vacances d'avril, et donc, comme ça, on aurait de toute manière une espèce de fin naturelle du cours. De toute manière, je pense que vous n'avez pas de préférence particulière sur la date ou non du 5 février, non? Donc, alors aujourd'hui, donc, je me promets vraiment de terminer à 1h30 de manière de laisser, c'est-à-dire à 2h30 de manière à laisser plus que les autres fois encore espace pour des questions que je pense ne manquent pas. Mais au moins qu'il y a des gens qui veulent déjà maintenant poser quelques questions aussi sur le cours dernier. Moi, je veux. Oui. Je veux te demander une chose. Oui. C'est-à-dire, peut-être maintenant, si vous voulez poser quelques questions de compréhension de ce que j'ai dit, donc peut-être après, on va plutôt dans la dernière demi-heure faire une discussion, si vous voulez, sur le contenu. Parce que si nous commençons la discussion maintenant, je pense que je ne vais même plus commencer à lire mes notes d'aujourd'hui. Oui, oui, en fait, c'est une question de définition. Oui. Comment vous travaillez quel est le rapport que vous faites entre les concepts d'aliénation et fétiche? Le fétichisme, ouais. Fétichisme. Est-ce qu'il y a une priorité logique entre les deux? Oui, alors, d'ailleurs, je viens vraiment de terminer un essai exactement consacré à cette question, donc. Alors, on a beaucoup discuté évidemment de cette question, surtout dans le. Parce que, pour le dire très rapidement. Mais donc, le terme aliénation, comme le sait chez Marx, donc, il apparaît surtout dans les œuvres de jeunesse, dans le manuscrit de 44, donc avec une claire dérivation hegelienne. Donc, l'être humain, il produit son propre monde, mais tandis que chez Hegel, c'est un processus nécessairement aussi positif, parce qu'après, il va se réapproprier ces productions qui, de toute manière, chez Hegel, sont purement spirituelles, donc le droit, la philosophie, la religion, etc. Et Marx, évidemment, on sait, il explique que c'est au contraire c'est l'ouvrier qui produit matériellement son monde, mais que ne lui appartient plus. Et donc après, le terme d'aliénation ne disparaît pas complètement chez Marx, il perd beaucoup d'importance. Et donc, pour la première génération des marxistes, ce terme n'avait presque pas d'importance, d'autant plus que les ouvrages de Marx où ce terme est le plus présent, c'est-à-dire les manuscrits de 1944, n'ont été publiés qu'en 1932. Après, il y a une importante reprise chez Lukács, son Histoire et conscience de classe en 23, même s'il définit l'aliénation d'une manière un peu différente, il l'appelle réification. Après, donc, il y a une espèce de deuxième phase, à partir des années 50, on a donc, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle le marxisme humaniste ou existentialiste, il y a au contraire un véritable déferlement du terme aliénation qui maintenant est souvent vu comme une espèce d'alternative à l'analyse purement économique en termes d'exploitation ou de domination. D'ailleurs, ça tombait assez bien, on peut dire que l'exploitation classique du prolétariat était beaucoup devenue au moins beaucoup moins visible après la Deuxième Guerre mondiale, et selon beaucoup d'observateurs, était même une chose complètement dépassée, en train d'être dépassée. Alors, le concept d'aliénation, donc, permettait au monde deux choses. Il permettait de continuer à critiquer le capitalisme pour dire que quand même nous sommes tous aussi impuissants qu'avant pour la gestion de notre vie, même si cela n'est plus une question purement purement économique, et en plus cela permettait d'ailleurs aussi de critiquer l'Union soviétique, parce que là, si l'exploitation était plus difficile à définir en termes classiques, on était assez facile de faire voir qu'il restait encore beaucoup d'aliénation. Donc ce terme s'est très répandu à cette époque-là, on est 50-60, et d'ailleurs même au-delà du champ marxiste, il a été aussi assez repris par les existentialistes jusqu'à certaines théologiciennes. Et pour, il a fini pour indiquer une espèce de vague malaise face à la société moderne où on ne se sent plus chez soi. Et d'ailleurs, ce terme d'aliénation joue certes un rôle aussi important, par exemple, dans la théorie situationniste et de toute manière dans tout ce qui a préparé ou accompagné le 68. Après, on a eu, plus ou moins à la même époque, autour de 70, naît quand même aussi une critique du concept d'aliénation, donc très fortement développée par Louis Althusser et pour le structuraliste, qui donc reprochait au concept d'aliénation d'être une espèce de péché de jeunesse de Marx qui aurait encore présupposé un être humain, une espèce d'essence originaire de l'être humain, de dire qu'est-ce que c'est l'être humain en termes anthropologiques, ce qui, selon cette critique d'Althusser et d'autres, serait une conception non, donc purement philosophique, non scientifique, non historique, et donc quelque chose à dépasser. Il reste des chaises ici. Donc le terme d'aliénation a en effet a subi un fort déclin à partir des années 70, aussi parce que généralement on pensait que le terme d'aliénation donc, présuppose une espèce d'essence de l'être humain, une définition préliminaire, qu'est-ce que c'est que l'être humain, pour pouvoir dire que là l'être humain n'est plus chez lui dans une certaine situation aliénée. Et donc, de toute manière, presque toutes les pensées contemporaines, qu'elles soient effectivement postmodernes ou pas, normalement s'accordent sur cette critique de tout ce qu'ils appellent essentialisme. Donc, de l'autre côté, donc, cette relative diminution de l'importance du concept d'aliénation, on peut dire, a un peu libéré le champ pour un intérêt plus grand pour le terme de fétichisme de la marchandise. Là, on peut dire également que ce terme était presque absent jusqu'aux années 70. Ou s'il était cité, il était vraiment conçu très étroitement comme une espèce de mystification, comme une espèce de voile que les capitalistes étendent sur leurs sales pratiques. D'ailleurs, peut-être le plus gros livre jamais écrit sur l'aliénation a été écrit en 70 par un Hongrois Aliev de Lukács, Mészáros Zaros, qui s'appelle La théorie de l'aliénation. Je crois que ce n'est pas traduit en français, il l'a écrit en anglais. Et c'est un livre de 1000 pages où pratiquement le terme fétichisme pratiquement n'apparaît jamais. Donc toute l'aliénation, ce terme-là, a été vraiment conçu dans le terme sur humaniste existentialiste, aussi souvent avec des références à Sartre, à Lucien ou à Lucien Goldman. Donc il y a des gens, des marxistes qui étaient contents de trouver que le concept d'aliénation permettait aussi de faire une pompe vers la pensée de Heidegger, parce que exemple, Heidegger, ce que voulait ça sauver chez Marx, c'était justement la pensée de l'aliénation. Donc c'est-à-dire que ce terme d'aliénation était devenu effectivement une espèce de chaudron, on pouvait un peu, un terme pour lequel on pouvait entendre, chacun, comme une auberge espagnole, donc finalement chacun pouvait y mettre ce qu'il voulait, ce qui aussi expliquait, je pense, son déclin. Donc après, donc, il y a un intérêt beaucoup plus grand pour le terme de fétichisme. Alors certaines, donc, comme par exemple une des rares personnes qui en France a consacré un livre explicite au fétichisme, Antoine Artaud, ce livre qui s'appelle justement Le jour, le fétichisme chez Marx, ils disent au contraire que le terme de fétichisme alors, est effectivement très utile, mais il n'a rien à voir avec l'aliénation, parce que le fétichisme n'est pas une religion au sens étroit, tandis que l'aliénation, donc par Marx dans notre œuvre de jeunesse, reste quand même effectivement très liée à la critique de la religion de Feuerbach, donc l'être humain qui projette sa propre nature, ses propres pouvoirs dans le ciel. Je trouve, donc là aussi, donc, on insiste quand même sur l'idée qu'il y a une coupure nette entre le jeune Marx et le vieux Marx, entre l'aliénation et le fétichisme. Mais sans trop voilà, rentrer dans les détails, moi je ne suis pas trop d'accord. Je pense quand même qu'il y a une forte continuation entre les deux termes. Et justement parce que Marx ne décrit pas le fétichisme comme une mystification simplement, mais essentiellement comme une espèce de religion, comme une espèce de religion réelle, métaphysique, une espèce de métaphysique réalisée dans la vie quotidienne. Justement, lorsque Marx, au début du chapitre sur le fétichisme, il définit la marchandise comme un être sensible, suprasensible, c'est justement ça, je pense, nous avons parlé la dernière fois. Le paradoxe de la marchandise, que c'est des objets concrets de la vie de tous les jours sont en même temps porteurs d'une autre essence, de certaine manière surnaturelle, qui est une projection de la socialité de l'être humain. Et de ce côté, je pense qu'on peut quand même effectivement dire que le concept du fétichisme reprend ce qui avait le mieux dans le concept de l'aliénation chez le jeune Marx, mais justement qu'il ne présuppose plus une essence, ce que l'appelait Marx de Gattungswesen, l'essence générique. Donc on ne part plus d'une définition préliminaire, d'une certaine manière arbitraire, qu'est-ce que c'est que l'homme, comme chez le jeune Marx. Mais on fait effectivement une théorie sur la construction, d'une certaine manière, sur la construction des rapports sociaux. Donc le fétichisme, ce sont des rapports sociaux donc, qui, dès le début, se basent sur une espèce d'inversion, comme nous l'avons dit la dernière fois, entre l'abstrait et le concret, entre le social et l'individuel. Je dis, j'ai pu donner cette longue réponse improvisée parce que je veux vraiment terminer 20 pages sur ce sujet qui doivent paraître, je pense, l'année prochaine dans un volume collectif publié par l'éditeur La Dispute. La Dispute, oui. Donc, on peut, c'est un thème qu'on peut répondre. Il y a aussi la question, c'est assez intéressant que justement la question de. La différence entre aliénation et objectivation. Il y a une critique assez intéressante que Théodore Adorno a fait du concept d'aliénation au monde dans sa version vulgarisée, où il dit que l'aliénation, ça devient facilement une espèce aussi de haine pour tout ce qui est alien, donc pour tout ce qui est étranger, donc pour tout ce qui ne rentre pas dans le sujet. Donc l'aliénation peut dans les pires des cas aussi être une espèce de désir de tout pratiquement rendre égal au sujet de connaissance et de ne plus accepter aucune extériorité. Donc il y a trois pages vraiment extrêmement remarquables dans plus ou moins au moitié de la dialectique négative d'Adorno où il critique cette culte facile, cet usage facile du mot d'aliénation. Hein. Donc après, oui, donc... Dans mon article, vous trouverez aussi une intéressante citation de Jean Baudrillard qui dit justement que ça aussi son éloignement des idées situationnistes auxquelles au début se sentait relativement proche était justement dû à ça. C'est intéressant ton argument, comme toujours, souvent chez Baudrillard, il dit des choses assez intéressantes dans sa manière complètement tordue et oblique. Il dit, là, il fait un compliment, même je dis au situationniste, il dit, chez le situationniste, il restait toujours l'idée qu'il existe quelque chose d'authentique, et donc l'idée même d'aliénation, évidemment, présuppose la possibilité d'une désaliénation, et donc il y a quelque chose d'authentique qui fait des paramètres, des parangons, pour voir qu'est-ce qui est non authentique ou aliéné. Donc dit Baudrillard avec une espèce de jubilation, il n'y a plus de rien d'authentique, donc il n'y a plus aucune possibilité d'une désaliénation, il n'y a qu'un jeu des miroirs où on a seulement la possibilité de passer d'une forme d'aliénation à l'autre. Et donc là, certainement, d'ailleurs, Baudrillard a résumé un peu, effectivement, on dit le dernier mot un peu de toute la pensée postmoderne donc, sur ce sujet-là. Donc le terme même d'aliénation serait... rendu inutile pratiquement par le fait même qu'il n'y a que des discours construits, donc il ne peut pas y avoir quelque chose qui est plus authentique que quelque chose d'autre, parce que pratiquement, l'authenticité même ou l'idée d'un état, une espèce originaire ou non aliéné, finalement serait une espèce de construction de discours construit comme tout autre. Et donc finalement, il n'y a pas une différence ontologique, disons, entre ce qui est aliéné et non aliéné. Évidemment, c'est une affirmation très, disons, intéressé, parce que c'est comme ça, la pensée postmoderne, évidemment, peut pratiquement facilement se libérer d'un concept quand même, qui reste comme assez dérangeant, comme l'aliénation. Mais en même temps, comme j'ai dit, il y a quand même aussi une partie vraie dans cette critique, le concept d'aliénation dans un monde classique présuppose effectivement une définition de qu'est-ce que c'est que l'être humain, qui résiste difficilement à l'assaut, par exemple, de l'anthropologie et de la démonstration qu'il existe énormément de formes différentes de vie sociale. Justement, le terme fétichisme, qui en vérité est une théorie de la construction historique des rapports sociaux, pratiquement peut éviter cet écueil. Alors, il y a d'autres questions? Alors, je vais un peu lire mes notes. Alors, donc, jusqu'ici, donc, je fais un discours assez linéaire sur qu'est-ce que c'est que le travail abstrait. On est beaucoup nombreux aujourd'hui. Hein. Alors, je vous prie encore de signer le cahier. Comme je dis, ce n'est pas pour contrôler le présent. De toute manière, ici, il n'a pas de crédit réel. C'est juste qu'il est utile que l'école sache qu'effectivement, il y a un intérêt réel, je dirais même croissant. Hein. Peut-être qu'il pourrait même nous donner une salle un peu plus grande de la prochaine fois. Hein, quand même. Parce que nous sommes que presque 30 aujourd'hui, je crois. Alors, jusqu'ici, donc, j'ai suivi un discours un peu linéaire, peut-être parfois un peu dur à suivre, donc sur qu'est-ce que c'est le travail abstrait. Donc, aujourd'hui, au contraire, je voudrais un peu plutôt qu'être linéaire, suivre un peu un kaléidoscope. Donc, je voudrais examiner différentes conséquences possibles du discours sur le travail abstrait, en reprenant divers aspects qui, d'ailleurs, donc, qui ne suivent pas nécessairement un ordre très strict, mais un peu, effectivement, un peu, donc vous voyez, il y a certains termes comme là, certains termes qui vont revenir plusieurs fois dans différentes constellations dans mon discours, donc. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas exactement où je me suis arrêté la dernière fois, mais c'est sûr, donc, on avait encore parlé du travail abstrait, je dis que c'est quand même... On ne peut pas évidemment établir une hiérarchie entre le concept des valeurs de travail, d'argent et de marchandises. Marx même, d'ailleurs, il insiste sur le fait qu'il est nécessaire dans son discours de commencer avec la marchandise et pas avec la valeur. Il le dit dans un petit texte assez intéressant datant des dernières années de sa vie qui s'appelle, je pense, Glose marginale au livre d'économie politique d'Adolf Wagner. Qui est dans l'édition Pléiade, je crois, en français. Et peu importe, de toute manière, donc, il est vrai aussi que dans le discours de Marx, tandis que la critique de la valeur de la marchandise et de l'argent est, je dirais, d'une certaine manière parfaite, il n'y a pratiquement rien qu'on a pu ajouter ensuite, la critique du travail reste beaucoup plus indéterminée chez Marx, surtout par... D'ailleurs, c'est vrai, même dans l'élaboration de sa théorie, le concept qui me paraît le concept central, le travail abstrait, apparaît plutôt tard. Donc, il est, peut-être que j'ai déjà dit, il est même absent des Grundrisse. Au début des Grundrisse, Marx parle essentiellement du travail indifférencié, c'est-à-dire du travail que tout un chacun peut faire, comme la forme plus typique de l'ouvrier moderne. Mais là, il parle quand même d'une forme concrète, il parle de cette manière du travailler en manœuvre. Donc. Et Marx n'arrive qu'assez tardivement au concept de travail abstrait. Donc en vérité, il n'arrive complètement que dans la deuxième édition d'ailleurs du premier volume du Capital, en 1973. Même dans la première édition, donc ce concept reste un peu encore dans le flou. Et cela est dû aussi au fait, et on va en parler aussi aujourd'hui, que Marx veut sauver le concept de travail, en vérité. Donc, même malgré certaines hésitations, Marx reste assez convaincu que le travail est, comme il dit, une nécessité naturelle, qu'il y a toujours un travail créateur des valeurs d'usage. Donc, il identifie le travail avec ce que Marx même appelle, avec un joli terme, le métabolisme avec la nature. Donc, il y a... Donc Marx veut de certaine manière sauver le travail concret, ne critiquer que le travail abstrait. Et c'est justement probablement la cause pourquoi Marx reste d'une certaine manière comme hésitant, et même dans sa définition du travail abstrait. Et pourquoi cela n'apparaît d'une certaine manière pas comme le concept d'être vraiment central pour vous. Et parce que c'est comme le travail abstrait qui crée la valeur, qui est la valeur d'une marchandise et se représente dans l'argent. Donc si on veut comme établir une espèce de chaîne, ça commence quand même avec le travail abstrait, avec le fait que l'activité productive de l'être humain dans la société moderne prend donc est considérée seulement en tant que simple, vous connaissez maintenant la formule, simple dépense que muscle, cerveau et nerfs. Donc chaque travail a souvent cette double nature et que c'est le côté abstrait qui l'emporte. Alors, le concept de travail abstrait, même chez les auteurs marxistes, ce n'est pas trop surprenant, donc n'a pas eu beaucoup de, à mon long terme, n'a pas eu beaucoup de développement. Il est assez curieux que presque peut-être la seule bonne définition, d'une certaine manière, même si pas très conceptuelle, du travail abstrait a été donnée par un autre économiste qui assurément n'était pas marxiste, c'est-à-dire John Maynard Keynes. Je pense que vous connaissez probablement le fameux passage auquel j'ai fait allusion. Et Keynes, qui était quand même un homme, effectivement, il faut dire, un homme plein d'esprit, donc dans la meilleure tradition britannique. Vous connaissez peut-être sa fameuse phrase lorsqu'on lui demandait quelle était la perspective économique à long terme. Et vous connaissez sa réponse, non? Oui, exactement. Il a dit à long terme, sans tout mort. Donc c'était ça, donc, la meilleure réponse, en effet. Alors, il dit, je vais faire une traduction de moi-même, il dit, donc du point de vue de l'économie nationale, peu importe qu'est-ce qu'on fait, si des millionnaires veulent par exemple créer des cathédrales ou faire des donations aux monastères pour expier leur péché, ça peut bien aller. Et également, on peut simplement faire des trous dans le sol. Et que cela, donc de creuser des trous, le remplir après, cela va également créer pas seulement de l'emploi, mais va également augmenter la richesse nationale réelle. Où il dit avec une autre image, si le ministère du Trésor veut remplir des vieilles bouteilles avec des banknotes, les ensevelir dans une grande profondeur, dans des minières de charbon désaffectées, qui après sont complètement remplies avec des déchets des villes. Et après, laisser à des entreprises privées, sur les principes qu'on essaie de laisser faire, de reprendre ces billets de banque dans les bouteilles, naturellement, après avoir vendu le droit de faire évidemment des fouilles dans le terrain plein de bouteilles. Alors, il n'y aurait plus de... Il n'y aurait plus de chômeurs et les gains réels de la communauté et donc aussi donc la richesse réelle en capital augmentera sûrement. Bien sûr, il serait plus utile de bâtir des maisons ou quelque chose du genre. Mais s'il y a des difficultés pratiques ou politiques pour le faire, alors donc cette solution, donc avec les bouteilles, ce serait mieux que ne rien faire. Donc cette chose, ben, évidemment, est pleine d'esprit. D'ailleurs, d'un côté, explique bien effectivement la politique keynésienne qu'on a suivie pour des décennies, qui aujourd'hui est nouvellement évoquée par tous les économistes, comme s'appelle Atterri et autres. Donc, c'est-à-dire, l'État doit financer n'importe quelle œuvre publique, sans égard pour leur utilité réelle ou pas, pour créer de l'emploi. Mais de l'autre côté, sans vouloir le dire, il dit aussi une vérité plus profonde ici, Keynes. Il veut dire que le travail abstrait est un travail qui. Donc le contenu n'a aucune importance. Donc, si, donc, justement, donc, si on. Si, donc creuser le trou et le remplir après, évidemment, une activité absolument insensée du point de vue humain, et toute autre société non capitaliste ne l'aurait pas fait en tant que telle. Et donc ça veut dire qu'il n'y a que le capitalisme, la société marchande, la société où on crée de la valeur, qui ne considère que des activités du point de vue de la valeur, que peut trouver qu'entre produire, par exemple, des petits pains et des creuser, le trou et le remplir, il n'y a aucune différence du point de vue éventuel de la création de valeur. Et d'ailleurs, là aussi, il y a un autre aspect intéressant, peut-être que je veux revenir après. Je dis, aucune société pré-capitaliste aurait accepté une telle absurdité, sauf évidemment s'il y avait une justification religieuse. Par exemple, on faisait aussi quand même beaucoup de choses du même genre, au nom, par exemple, souvent au nom de la religion, par exemple, les pyramides ou beaucoup d'autres constructions énormes qui ne devaient servir à personne, qui étaient même faites dans des lieux inaccessibles. Donc là, c'était évidemment des services rendus à des dieux fétiches. Et de là aussi, cette comparaison peut faire voir que derrière tout le fétichisme capitaliste, il n'y a pas seulement des considérations d'utilité, de profit et de gain, mais il y a aussi une espèce de but en soi, de fin en soi, qui finalement est irrationnel, qui ne sert à rien d'autre qu'à soi-même. D'ailleurs, c'est un peu la thèse que je défends un peu au long de ces cours. Donc, que le capitalisme est évidemment une société aussi de l'exploitation et tout, qui profite à certains, mais qui, à un niveau plus profond, c'est aussi une société finalement destructrice, autodestructrice, parce que c'est une société qui ne peut pas contrôler sa propre socialité, et qui donc finalement ne fait que pratiquement que rendre un service irrationnel à un but qui n'est pas clairement défini, donc un but qui ne sert à rien, mais, je le répète, qui ne cache pas d'autres finalités. Donc, pour l'approche marxiste traditionnelle, que nous critiquerons encore d'autres fois ici, par exemple, les fétichismes anciens, la religion, etc., sont toujours, de certaines manières, ils servent à cacher les intérêts, entre guillemets, réels, qui sont toujours des intérêts de profit et de domination. Tandis que, d'une certaine manière, donc la critique de la valeur, que j'ai présentée ici, pense que, d'une certaine manière, que la réalité est beaucoup plus inquiétante. Ça veut dire qu'effectivement, dans une société fétichiste, la poursuite des intérêts à peu près réel, de certaines manières, au contraire, cache souvent une autre poursuite, plus ou moins inconsciente, qui est effectivement une poursuite d'une but, d'une espèce de finalité sans but. Donc, justement, comme on peut le trouver dans certaines formes de religion. Donc, en effet, donc, lorsqu'on parle du travail abstrait, donc, il faut aussi parler de quelque chose qu'on peut appeler, en allemand, c'est toujours le Selbstzweck, c'est-à-dire le but en soi, c'est quelque chose qui ne sert à rien d'autre qu'à soi-même, mais pas à la satisfaction de ses propres besoins, mais quelque chose qui est fait seulement pratiquement pour être fait. On peut aussi évoquer le terme de autoréférentiel ou simplement de la tautologie, comme je dis, donc de transformer un morceau de bois dans une table, il y a un but concret, tandis de transformer 100 euros en 110 euros en tant que tel, c'est un but en soi, donc ça n'a aucune autre finalité. Ça aurait une autre finalité si après le 110 euros, effectivement, ils sont finalement dépensés pour satisfaire un besoin. Mais si le 110 euros sont utilisés pour en réaliser 120, et après le 120 sont réinvestis pour en avoir 130, etc., on est exactement dans ce qu'on appelle en logique une tautologie, donc quelque chose qui mène seulement du même au même. Et je répète toujours, donc, la véritable caractéristique de la société capitaliste est cette existence d'une forme vide et autoréférentielle. Et c'est quelque chose, cette forme vide, quelque chose qui se place, d'une certaine manière, en amont, encore de toute séparation entre facteurs subjectifs et objectifs, entre matériel et immatériel, entre base et superstructure, une espèce de vide est une forme générale comme l'était la religion ou le service de Dieu, ou comme l'était le rapport animiste avec la nature dans toute autre forme, dans d'autres formes de société. Donc de même, cette forme vide est quelque chose qui se retrouve un peu à tous les degrés de la société marchande. Et justement, dans la deuxième, alors vous savez, donc j'ai prévu donc après la première moitié du cours, donc qui est consacré un peu aux fondamentaux plutôt donc théoriques ou en termes de critiques de l'économie politique, que la deuxième moitié du cours donc à partir de février sera entre guillemets, même si le mot ne me plaît pas, plus sociologique, donc plus tourné, donc aussi vers l'examen de phénomènes de la vie contemporaine. D'ailleurs, je vous avais annoncé que je pense de consacrer une certaine attention dans mon séance à un thème qui semble de certaine manière un peu résumer toute la pulsion des morts du capitalisme, qui sont les tueurs fous dans les écoles, et malheureusement, donc, ce thème ne perd pas d'actualité, donc malheureusement, il y a une accélération des événements, et avec une incompréhension totale, en plus de comprendre les causes. Vous avez vu avec le dernier massacre, la seule chose qui venait... Le seul commentaire qui venait, c'était de défendre l'usage des armes. Donc, comme si on pouvait évidemment éviter les tueries en retirant les armes de la circulation. Justement, donc, comme je dis, on va venir peut-être à la séance 11 ou 12, mais j'affirme que ce massacre, justement, sans but, sans aucune utilité par les tueurs, parce que dans presque tous les cas, en plus, les tueurs, ils se tuent eux-mêmes après avoir tué les autres. Et d'une certaine manière, l'apothéose de cette forme vide du capitalisme, ce sont quand même, maintenant je ne vais pas trop anticiper, on peut dire donc les biographies, les personnalités de ce tueur fou se ressemblent quand même beaucoup, et il y a quelque chose qui va bien au-delà de la question des jeux vidéo et d'autres. Ce sont toujours des personnes qui ont été des personnages qu'on dit effacés, très gentils, qui n'ont jamais fait parler d'eux, qui n'ont pas été violents, des personnalités absolument vides, qui évidemment proviennent des milieux absolument vides, qui n'ont en général pas subi des violences, mais qui n'ont jamais vraiment appris dans la vie en famille, dans la vie sociale, quelque chose comme une empathie réelle, un rapport réel avec d'autres personnes. Donc ils ressentent une vide énorme intérieure, qui est exactement le narcissisme dont je veux parler aussi dans les cours. Narcissisme dans le sens de ne pas pouvoir enrichir sa vie intérieure dans un réel contact avec des objets extérieurs. Des personnes qui restent certainement, qui ne peuvent pas remplir leur propre intérieur parce qu'ils ne peuvent pas admettre du niveau profond l'existence d'un monde extérieur, qui est la définition psychoanalytique du narcissisme. Mais donc c'est toujours ici vraiment défi de dire qu'il y a un lien entre ce narcissisme, donc les tueurs fous dans le fond de forme extrême, et cette forme vide que nous retrouvons dans la marchandise. Donc la marchandise, donc, pris pas comme un phénomène économique au sens étroit, mais comme la forme qui prend pratiquement tout objet dans tout service dans notre société, et donc tous nos moyens de satisfaire d'une manière ou de l'autre nos besoins et nos désirs. Et donc là, je dis, donc, ce sera plutôt l'objet de la deuxième moitié, mais quand même, je veux toujours faire voir les articulations entre cette base dans la critique de l'économie politique et d'autres, si on veut, d'autres applications futures. Ça veut aussi dire, je pense, que cette critique de la valeur de la marchandise permet donc vraiment de jeter notre regard sur des phénomènes concrets, comme disons par exemple la violence animique, le tour fou, etc. Parce que là aussi, qu'est-ce que dirait probablement par exemple les marxistes traditionnels, ils diraient ah, la violence par exemple est due au chômage, donc c'est dû au fait que les gens sont désespérés parce qu'ils ne peuvent plus s'insérer dans leur société, ils n'ont plus de travail, etc. Donc tout ce qui n'est pas nécessairement faux, mais là aussi je pense qu'il y a un autre niveau derrière, même si on donnait du travail à tout le monde, cela ne résoudrait pas le problème, sans compter au moins dans le cas de tueurs fous, en général ce ne sont pas des gens qui vont des marges de la société, mais plutôt des milieux petits bourgeois. Je pense qu'il y a un autre niveau de la question que juste que dans ces cas extrêmes, il y a une espèce de forme de base de la société qui prend une forme terriblement concrète. Donc là, il y a une espèce d'articulation entre l'abstrait et le concret qui, d'une certaine manière, retourne sous des formes terribles. Et donc, justement, je dis, donc, dans son corps même, donc, le capitalisme est une société tautologique, je dis. La société antérieure, il pouvait être antipathique et autoritaire, exploitateur, comme vous voulez. Le sultan, il pouvait mettre à saccage un pays entier simplement pour pouvoir avoir lui-même le plus grand palais, le plus grand harem, donc manger tout le possible. Il y avait quand même un but concret dans cela, et tout ce qui est concret est aussi limité dans le monde. Ou comme disait Montaigne, même sur le tronc le plus élevé du monde, nous sommes toujours assis sur notre cul. Donc, disait Montaigne avec son beau langage du XVIe siècle. Et justement, donc, la marchandise ne connaît pas ce genre de limitation, parce que justement, donc, et transformer 100 euros en 110, après en 120, c'est une poursuite sans fin. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, justement, voilà pourquoi le capitalisme est dans sa nature, même une société sans limite. Et voilà pourquoi cela ne peut que se répercuter finalement aussi dans la psychologie individuelle des personnes. Et il est intéressant, on va en parler, donc il existe des personnes comme une certaine école de psychoanalyse, par exemple Jean-Pierre Lebrun qui a écrit par exemple, le livre « Un monde sans limite ». Donc il y a des gens qui arrivent aussi à cette observation, même en provenant des bases qui sont complètement différentes des bases que j'ai dit ici. Donc, d'un côté, je trouve que c'est assez encourageant de voir une certaine convergence dans les analyses. Et de l'autre côté, je pense justement que si on ne prend pas en compte cette forme générale de la vie sociale, qui est la forme valeur, toutes les autres analyses restent toujours de certaine manière fragmentaires ou superficielles. Donc, toujours, il faut que j'aille un peu plus vite. Alors, je dis donc la critique du travail abstrait étant quand même nécessairement une critique du travail. Là, je ne vais pas trop m'arrêter sur ça parce que c'est plutôt une question de si historique. Mais évidemment, si on dit on critique le travail, alors évidemment la première réponse est toujours comment on ne peut pas critiquer le travail. Les êtres humains ont toujours travaillé. Il faut que le travail soit libre, non exploité. C'est dans les limites non abstraites, mais il faut quand même l'être humain a toujours travaillé. Au moins qu'on ne veut pas simplement abandonner dans un futur tout travail aux machines. Ici, il faut dire non, l'être humain a évidemment toujours dû faire quelque chose pour évidemment assurer sa survie. Mais là, ce n'est pas du travail, donc ces activités dans d'autres sociétés n'étaient pas regroupées sous le même terme. En effet, il n'existe pas le mot travail, n'indique nulle part, étymologiquement, l'ensemble des activités utiles ou nécessaires à satisfaire des besoins. Parce que tout le mot travail, arbeit, rabot en russe, labor en latin, renvoie toujours à l'idée de la peine, de la fatigue et de l'esclave. Et donc, donc ils ont dit quelque chose auquel on forçait les gens de le faire, tandis que évidemment le véritable but de la vie dans toute société pré-capitaliste résidait justement dans ce qui n'était pas du travail. Et même par exemple les citoyens à Athènes, ils étaient payés pour aller au théâtre, pas pour travailler. Évidemment, c'était des sociétés absolument, je dis, injustes, et je ne dis pas maintenant qu'on fait ici l'éloge. Moi, je dis, dans ces sociétés, ne définissaient pas toutes les activités sous un seul terme du travail entendu comme simple dépense d'énergie. Il y avait dans ces sociétés-là évidemment une série de besoins et après il y avait des activités concrètes chaque fois pour satisfaire les besoins et on tentait ce que le pouvait tenter toujours de faire exécuter ces activités par d'autres. Mais il n'était pas le but de cette société-là d'avoir le plus d'activités possible, mais au contraire, de faire les minimums nécessaires pour satisfaire ce qui était défini comme des besoins, qui d'ailleurs, évidemment, n'étaient pas des besoins naturels. Il y avait aussi le besoin d'un empereur d'avoir un très grand palais. Mais il avait, comme toute manière, d'abord un besoin, je dis, réel ou arbitraire ou fantastique qu'il est, et après, on mettait en marche ce qui était nécessaire. Donc, il n'est pratiquement qu'à la fin du Moyen-Âge, qui apparaît à peu près cette idée d'une valorisation positive du travail, donc qui regroupait l'ensemble de tout ce qui pratiquement peut rentrer sur un marché pour échanger des valeurs. D'ailleurs, même dans la société moderne, comme on sait, ce ne sont pas toutes les activités qui sont considérées du travail. Et parce que le travail, ça n'a rien à voir aussi avec l'utilité, même dans le langage quotidien. Par exemple, je dis, après le travail, je vais dans mon potager et je fais pousser mes propres tomates. Évidemment, là, ce n'est pas un travail, mais bien que, évidemment, faire pousser des tomates, c'est une activité avec laquelle on satisfait ses besoins pour soi-même. Ou autre phrase classique du genre, ah oui, non, lui, il travaille par exemple dans une usine où on fabrique des armes, sa femme ne travaille pas parce qu'elle s'occupe de son beau-père malade. Donc on voit, donc, dans tous ces cas-là, ce ne sont pas toutes activités qui sont définies comme du travail. Donc le travail n'est que l'ensemble des activités qui peuvent se représenter dans une valeur et donc apparaître donc, en tant que lien social entre les personnes qui se reconnaissent l'un l'autre en tant que porteurs de certaines quantités de travail déjà exécuté, pour le dire tout dans un mot. Et comme je dis, j'ai pensé plutôt de consacrer donc, de la prochaine séance en janvier, plutôt aussi à l'histoire et à la naissance de la société marchande, et donc aussi au rôle qu'ont eu, par exemple, d'abord les moines au Moyen-Âge, les premiers qui ont eu une vision positive du travail. Mais encore, c'est positif dans le sens que les moines s'astreindraient volontairement, de façon volontaire au travail. Ora et labora était la règle du premier grand ordre monastique de Saint-Benoît. Mais c'était encore conçu quand même comme une activité volontaire, oui, mais encore conçu comme une manière d'expier ses propres péchés pour le moine. Après, donc, on franchit notre étape avec ce que évidemment, Max Weber a appelé donc, l'éthique protestante, si essentielle pour le capitalisme, donc l'idée que la réussite, que travailler est donc déjà directement un service rendu à Dieu, donc auquel tout le monde doit se mettre, que l'on ne doit pas faire aux autres. Et voilà, donc avec le protestantisme, donc est née une société où pratiquement tout le monde est mis au travail, donc c'est considéré une honte de ne pas travailler, et même ceux qui pourraient aussi ne pas travailler, comme les grands chefs d'entreprise, etc., en vérité, font au moins semblant de travailler. Et d'ailleurs, après, on va en reparler, donc il y a même de la part du mouvement ouvrier une espèce de suraffirmation de cette culte du travail. Et le mouvement ouvrier reproche surtout aux capitalistes d'être des parasites, c'est-à-dire de ne pas travailler eux-mêmes. Voilà aussi pourquoi ce genre de polémiques contre le non-travailleur, le parasite, présente toujours d'ailleurs une convergence possible avec un anticapitalisme de droite et d'extrême droite, donc qui après fait la chasse aux spéculateurs, aux financiers, aux autres couches de parasites prétendus, avec l'idée qu'il y a une espèce de devoir moral de tout et chacun à travailler. D'ailleurs, c'est assez typique, donc c'était le devoir moral de travailler, donc pas de faire quelque chose d'utile pour la communauté, là on peut le concevoir, mais il y avait toujours l'idée qu'il faut simplement dépenser sa force de travail pour quelque chose, pour être un membre de la société, pour n'importe quel but, donc pourvu que ça donne une valeur et se représente dans l'argent. Donc, d'ailleurs, le terrorisme du travail, qui d'ailleurs a eu, évidemment, été loin d'être aboli dans les pays où le mouvement ouvrier avait gagné. Au contraire, c'est en Union soviétique, était surtout devenu une énorme une espèce de working house, donc, c'est-à-dire où on mettait tout le monde au travail à des rythmes fous, avec juste au fameux stakhanovisme. Et même en Allemagne, lorsque l'autre branche du mouvement ouvrier, le social-démocrate, avait été au gouvernement, donc leur président Ebert disait en 1920, le socialisme, ça veut surtout dire travailler beaucoup. Donc, évidemment, ce terrorisme du travail a aussi créé, parfois, assez rarement, de réactions au sens contraire, c'est-à-dire un peu plus souvent dans la littérature et dans les arts plastiques. On le trouve déjà au XIXe siècle avec la figure de la bohème, avec Rimbaud qui écrivait « Ne travaillez jamais », avec le surréaliste qui écrivait sur le numéro 4 de leur revue « La révolution surréaliste », il écrivait « Et guerre au travail ». On trouvait souvent aussi dans la littérature des figures sympathiques, évidemment, des gens qui ne foutent rien, donc du vagabond, donc évidemment des personnes qui vivent avec des manières irrégulières. Mais là, c'était plutôt question, je dis, de littérature ou de l'art plastique, aussi, d'une certaine manière. Si les arts plastiques représentaient si rarement, d'ailleurs, des gens qui travaillent, on peut aussi dire parce qu'il y avait quand même. D'un côté, c'était, on peut dire, une espèce de lié évidemment au régime bourgeois des arts, mais c'était aussi quand même une idée qu'il n'y a rien de beau dans le travail. Donc là aussi. Mais dans la pensée officielle, on ne trouve pratiquement aucune critique du travail, aucune mise en doute du fait que tout le monde doit travailler au 19e et 20e siècle. On trouve quelques pamphlets comme le fameux droit à la paresse du gendre de Marx pour Lafargue ou comme l'éloge de l'oisivité de Bertrand Russell qui étaient déjà relativement courageux par rapport à la mentalité de leur époque, mais qui restaient quand même plutôt sur une tombe plutôt nostalgique, un désir d'une espèce de paradis perdu où on ne pouvait rien faire. Quelque chose comme une critique du travail comme forme sociale obligatoire était pratiquement inconnu au moins jusqu'aux années 60 du siècle dernier, dirais-je, reste très rare même jusqu'à aujourd'hui. Parce que même c'est-à-dire le mécontentement envers le travail qu'on trouve aujourd'hui, par exemple comme le film Attention danger travail de Pierre Carles, ou le livre Bonjour paresse de Corinne Maillère reste quand même, comme je dis, c'est une manière très descriptive et très du genre ah, donc on nous fait chier avec le travail. Qui souvent, donc, en plus, n'est pas. Reste comme assez lié souvent à une idée plus ou moins explicite qu'on va simplement mettre la machine à travailler à notre place. Et donc souvent, au moins une partie de la critique du travail reste d'ailleurs assez dans un domaine d'une technophilie assez poussée. Ça remonte d'ailleurs déjà dans les années 50. Vous avez par exemple Pierre Nabil qui avait écrit un livre à l'époque assez remarqué de l'aliénation de la jouissance, de son titre, non ? Pour présenter l'automation comme une espèce de panacée. Et d'ailleurs, même d'ailleurs, le situationniste au début n'était pas du tout loin de cette idée-là. Ce qui, d'ailleurs, en les dernières années, on leur a vertement reproché. Ce qui fait d'ailleurs, en certaine manière, le charme d'autres auteurs comme Jacques Ellul, qui n'était pas vraiment dans une critique sociale, assez vaguement, mais qui au moins avait mieux que d'autres compris les dangers pour l'autonomie humaine qui est aussi dans la technique. Donc des auteurs comme Jacques Ellul ou Günther Anders. Mais donc, cette critique du travail donc, était aussi difficile parce que là aussi Marx même était resté quand même, n'est pas vraiment allé jusqu'au bout de sa propre argumentation. Il restait lui aussi comme convaincu qu'il existe un royaume de la nécessité, comme on disait, il faut toujours travailler. Et seulement au-delà peut commencer, disait-il, le royaume de la liberté. Et donc lui, il plaidait pour abréger le plus possible la journée du travail de manière d'avoir plus de temps pour d'autres choses. Il critiquait même Charles Fourier, donc, comme elle disait, que lui, qui entend très naïvement à la manière des grisettes la question du travail. Je pense, vous connaissez cette phrase, donc, dans les grandes tresses. Je trouve là que Marx était réellement injuste, même si évidemment les idées de Fourier donc, peuvent faire sourire, au moins Fourier avait comme une certaine manière compris qu'on peut avoir des activités productives, même d'ailleurs assez développées, assez poussées, quand même sous une forme qui n'est plus le travail, parce qu'il n'y a pas cette frontière entre le travail et le non-travail, parce qu'il existe quand même une forme de d'organiser même des activités, même pénibles, par exemple dans la société agricole, qui sont quand même faites de manière collective et qui sont aussi en même temps aussi un jeu, une affirmation de la collectivité et d'autres. Donc Par exemple, les vendanges, c'était d'un côté c'était un véritable travail, en même temps c'était quand même conçu comme une espèce de fête dans la société paysanne. C'était pas quelque chose qu'on voulait à tout prix fuir ou abréger le plus possible, ou qu'on aurait abandonné aux machines. Sans compter évidemment le fait que, de toute manière, même là où on travaillait assez durement dans la société agricole ou d'autres, en général, le rythme de travail, sauf que dans certaines occasions, était quand même beaucoup plus lent et passé par rapport à aujourd'hui. Et en général, les gens, comme de toute manière, ne se touaient pas au travail. D'ailleurs, j'y pense chaque fois que je retourne dans notre village en Italie, j'achète mon pain chez la vieille boulangère. Il faut chaque fois une demi-heure parce qu'elle bouge lentement, elle parle tout le temps, et donc elle s'arrête pour faire quelque chose d'autre. Et parfois j'ai envie de m'énerver, après je me dis non, t'énerve pas. C'était le rythme naturel de l'être humain pré-capitaliste de ne pas travailler comme un automate, de ne pas faire le plus possible dans le monde de ton possible, mais de faire les choses avec un certain goût, de le faire avec un certain plaisir, etc. Ou par exemple, souvent, ce genre, par exemple, on peut peut-être même encore aujourd'hui parfois l'observer dans nos villages, la boulangerie ou le salon de coiffure, ce n'est pas seulement un endroit du travail où on fait le plus possible en moins de temps possible. On reste au fait aussi lentement parce que c'est aussi une manière d'être ensemble, de bavarder, ça fait aussi des salons. Donc personne ne regarde nécessairement combien de temps il a fallu pour exécuter une opération. Donc maintenant, je ne veux pas faire, comme je dis, je trouve, il y a parfois des éloges un peu naïfs de ce genre de vie, ou une idée qu'on peut tout carrément y revenir, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je dis, il est intéressant d'observer qu'effectivement cette idée, qu'il n'y a rien de naturel dans l'idée, qu'il y a une partie de son temps qu'on sacrifie à quelque chose qu'on appelle travail, où on dépense le plus rapidement possible son énergie pour réaliser n'importe quoi, échanger avec d'autres et après de faire toutes les autres activités après. Mais c'est une idée, donc il est dur de se... qui n'est pas si vieux que finalement après peut-être deux siècles, mais il est dur de s'en défaire dans la tête. Par exemple, il y a un livre assez remarquable, vieux d'ailleurs, déjà des 72 je crois, de Marshall Salins, comment s'appelle en français. Oui, Âge de Pierre, Âge d'Abondance, oui, très beau livre. Mais même là, il a un défaut. Il dit qu'on travaillait très peu dans la société des chasseurs, que donc il n'était pas pressé par le besoin, et c'est tout ce qui est très juste. Moi, je trouve que c'est encore abusif, encore parler du travail. Par exemple, lorsqu'il dit qu'avec quelques heures de chasse, on pouvait vivre toute la semaine. Mais même ces quelques heures-là, je pense que la société de chasseurs n'aurait pas le considéré comme un travail. Donc la chasse, au contraire, c'était peut-être pour eux le moment le plus beau de leur existence lorsqu'on allait à la chasse. Et pas du tout une espèce de travail qu'on fait seulement pour satisfaire un besoin. Et donc le plus tôt on le termine, le mieux c'est. Et là encore deux observations, après je passe à d'autres choses. Il est quand même observable aujourd'hui, mais là on va rentrer dans tout d'autres terrains, que le capitalisme classique, c'est vraiment basé très nettement sur la distinction entre travail et non-travail, aussi parce qu'on était payé en général pour son temps de travail. Et donc la forme la plus classique, c'était évidemment l'ouvrier qui doit poncer son... à l'entrée, donc le... Pointé, oui. Et donc justement aussi, voilà pourquoi toutes les techniques extrêmement mesquines de contrôle, jusqu'à empêcher, par exemple, juste aux employés d'aller à la toilette pour ne pas voler le temps pour lequel ils sont, aux employeurs le temps pour lequel ils sont payés. Là, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, depuis quelques décennies, on assiste quand même là à une espèce de renversement de tendance. Il devient de plus en plus difficile de distinguer entre travail et non-travail, surtout dans tout ce qui est travail en réseau, tout ce qui est travail aussi pseudo-autonome, et dans tout ce qui est tous les travaux qui demandent certains aspects relationnels. Donc, ce sont des aspects souvent décrits par les sociologues, comme Luc Poltanski ou d'autres. Richardson et d'autres, qui évidemment très souvent, surtout dans tous les travaux considérés un peu créatifs et d'autres, par exemple, aller au bar, par exemple, aller ou écouter la musique juste, ou s'habiller bien, par exemple, peut être tout aussi important, par exemple, pour sa carrière professionnelle, comme ce qu'on fait au niveau vraiment professionnel. Ça veut dire aussi, surtout dans le monde un peu des youpies, donc tout ce qu'on fait, toute la personnalité rentre, d'une certaine manière, dans la activité permanente de vendre soi-même. Donc ça veut aussi dire que le travail n'arrête jamais, d'une certaine manière. Et aussi qu'il ne commence jamais, parce que souvent ces personnes même disent qu'ils sont contents de leur travail, par exemple, qu'ils le considèrent plutôt un amusement plutôt qu'un travail au sens étroit. Et donc on a effectivement, aujourd'hui on peut observer une espèce de frontière toujours plus floue entre travail et non-travail, ce qui effectivement peut poser quelques problèmes pour la définition classique de la valeur basée sur le temps de travail, mais au moins à l'état actuel, il n'y a rien de libérateur ou d'émancipateur dans ce dépassement du travail, parce qu'en vérité, ça veut simplement dire que maintenant toute l'existence est mise sous l'empreinte de l'impératif d'aller se vendre. Et ça l'est, évidemment, je pense qu'il y a une tendance observable, je pense qu'elle va beaucoup augmenter à vraiment remplacer le salariat avec l'autre entrepreneur. Il y a des pays comme l'Italie où déjà maintenant ce qu'on appelle les travailleurs autonomes sont, on devrait souvent dire pseudo-autonomes, sont plus nombreux que les travailleurs salariés. Et ça veut dire qu'évidemment, on reste toujours dans un cadre totalement capitaliste des ventes de soi-même, etc. Mais c'est difficile à l'interpréter de manière classique comme une vente de sa propre force de travail à une autre qui possède les moyens de production. Parce que si moi j'ai mon propre ordinateur et mon propre savoir-faire, je possède de certaines manières au moins une partie des moyens de production. Et après je vais faire, je ne sais pas, élaborer des logiciels, faire des graphismes, des traductions, je les mets sur le marché. Donc je suis formellement un entrepreneur. Et même si, évident que je suis totalement soumis, peut-être pire que les anciens ouvriers, à un régime de concurrence qui m'écrase évidemment absolument avec ce standard. Mais il est difficile d'interpréter cela donc, dans le terme classique d'un temps de travail vendu à des heures fixes. Donc, vous avez donc compris que la valeur créée par le travail abstrait n'est rien de transhistorique, ce n'est pas quelque chose d'éternel, et donc il ne peut pas y avoir question d'une loi de la valeur éternelle, comme disent beaucoup de marxistes. Marx, là aussi, en général, n'est pas toujours trop clair, comme je dis, Marx n'est vraiment pas trop clair lorsqu'il parle de société pré-capitaliste. Parfois, il indique une nette différence avec la société capitaliste, d'autres fois, ce que je pense est la voie juste. D'autres fois, et lui aussi, il tombe quand même dans certaines formes d'ontologisation, c'est-à-dire de présenter ce qu'il trouve dans le capitalisme comme des caractéristiques générales au monde de toute humanité quelque peu développée. Donc le terme loi de la valeur comme une espèce de loi éternelle a été beaucoup repris par tous les marxistes, avec l'argument que ça intéresse toujours aux êtres humains de savoir combien de temps il faut pour une activité, et donc toujours les hommes attribuent une valeur aux objets sur la base du temps nécessaire pour leur production. Alors là, en vérité, cet argument est faux, je pense. C'est évident que toute chose prend un certain temps, mais ce n'est pas la base de leur rôle social dans la société précapitaliste. De notre société, nous pouvons projeter cette espèce de valeur, mais là c'est une abstraction purement nominale, et alors nous pouvons également le faire, pourquoi pas aussi au sein, je peux aussi dire la valeur d'une noix pour une songe est demi-heure parce qu'il a fallu une demi-heure au songe pour attraper les noix, non? Mais évidemment, ça n'a aucune importance pour le songe, le temps qu'il a employé, et de même en général dans les sociétés précapitalistes, le temps joue évidemment un rôle du côté concret de la production, mais n'est pas la base de leur forme sociale du produit. Là aussi, nous sommes dans une particularité capitaliste. D'ailleurs, encore sur le le fait que le travail est comme une catégorie assez moderne. J'aime beaucoup raconter un épisode qu'on trouve chez Nicolas de Chamfort, donc écrivain français aphoriste du XVIIIe siècle. Donc à l'époque de Lumière, lorsqu'en France, la bourgeoisie déjà avait fortement intériorisé la mentalité du travail et donc critiqué en permanence la noblesse et la monarchie, justement en tant que parasite, en tant parce qu'ils ne travaillent pas assez. Et jusqu'au fait, vous le savez, que la bourgeoisie avait choisi comme sa boisson le café, parce que le café, ça donne de l'énergie, donc ça fait travailler. On considérait comme typique de la noblesse le chocolat, parce que le chocolat était considéré au contraire de rendre mou et paresseux. Et donc, chaque fois, on parle d'un Français qui visite Madrid, donc au contraire, donc l'Espagne était encore complètement dans une mentalité féodale. Et donc on lui permet aussi de visiter, avec une guide de visiter le palais du roi. Et donc il rentre dans le cabinet du roi et le Français veut faire un compliment. Et au guide il dit « Ah, c'est ici que travaille votre grand roi ». Et le guide n'est pas du tout content. Il lui dit « Pourquoi vous offensez notre majesté? Notre roi ne travaille pas ». Le Français dit « Ah ben non, mais on sait que votre roi il travaille toujours pour son peuple ». Mais non, c'est une offense, notre roi ce n'est pas quelqu'un qui travaille. Et donc je pense que ça explique très bien ce choc, tu connais cet épisode, il explique très bien ce choc de mentalité. Donc pour un Français, c'est un compliment de dire que le roi travaille, et pour l'Espagnol, encore, c'est une offense de dire que le roi peut faire quelque chose de si bas que travailler. Donc si donc, la valeur donc, n'est rien de transhistorique, on dit quand même souvent qu'il faut libérer la valeur d'usage de la valeur ou le travail concret du travail abstrait. Comme je dis qu'en vérité, le travail concret n'existe que également une abstraction. Le travail concret dans le capitalisme n'existe que comme porteur, comme incarnation du travail abstrait. Également, la valeur d'usage, de certaine manière, également une abstraction. Ce qui existe, c'est évidemment l'utilité que peut avoir chaque objet, mais de classifier tout ensemble sous une catégorie des valeurs d'usage, c'est également abusif. Et surtout, ça ne dit rien sur la véritable utilité des choses, parce qu'une bombe qui explose très bien, ou un policier qui frappe très bien, ont également une valeur d'usage assez élevée. Donc il ne s'agit pas du tout de défendre génériquement la valeur d'usage contre la valeur, parce qu'il s'agit à la limite chaque fois donc, de défendre ce qui peut être vraiment utile ou beau ou nécessaire contre ce qui ne l'est pas. Mais il ne s'agit pas, comme par exemple, ça apparaît aussi souvent par exemple, chez les opéraïstes italiens, donc une défense générique de la valeur d'usage. Comme je dis, la valeur, ce n'est pas quelque chose qui se greffe dans un deuxième moment sur une valeur d'usage qui est là en tant que pure utilité, etc. Ça peut arriver au tout début du capitalisme. Une fois qu'on est dans un régime capitaliste complet, la même production de valeur d'usage obéit dès le début à la logique de la valeur, donc à la nécessité de la valeur de s'agrandir. Et donc, les mêmes valeurs d'usage est également en général soumis à la même logique destructrice, c'est-à-dire on produit en général des choses, très souvent des choses inutiles ou mauvaises, simplement parce qu'ils portent, ils sont porteurs d'une quantité assez élevée des valeurs et des plus-valeurs, parce qu'en vérité, c'est toujours la plus-value ou la sur-valeur qui effectivement intéresse réellement. Et donc, il ne s'agit même pas donc de défendre la valeur d'usage en tant que telle, mais il s'agit plutôt donc de défendre simplement le droit de chaque objet ou même de chaque service d'être simplement ce qu'il est sans devoir pratiquement rentrer dans une catégorie abstraite et supérieure. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas terminer mon discours, mais aujourd'hui, je vais terminer à 2h30. Alors, encore quelques mots donc, sur la critique du travail. Alors, quelques observations sur l'aspect donc, qui, évidemment, a été peut-être plus clairement développé par Moshe Postone. Donc, je vous rappelle toujours avec Robert Kurz, de certaines manières, sont les deux auteurs plus remarquables de la critique de la valeur. Et, donc, pour le marxisme traditionnel, donc, le travail est toujours la base de toute société. Donc, au moins dans les derniers écrits de Engels, cela apparaît très clairement, lorsqu'il parle même du rôle qui a eu le travail pour la transformation du singe en homme, et non le contraire. Il existe aussi, par exemple, beaucoup d'anthropologies marxistes qui insistent toujours aussi sur le rôle de l'utile de la production matérielle. Et donc, bref, tout ce que s'appelle matérialisme historique, donc ce complexe idéologique qui a été développé surtout après la mort de Marx, donc, il y a toujours cette idée que, donc, de certaine manière, l'être humain est par sa nature un travailleur, on travaille toujours. Mais que l'idéologie bourgeoise a toujours pratiquement, d'une certaine manière, caché cette base de travail en affirmant que l'être humain, en vérité, est mu par d'autres choses comme l'éthique, la religion, l'art, le service à la patrie, l'idéologie, etc. Donc en cachant donc la véritable importance du travail. Alors ici, Postone, il renverse cette affirmation. Donc, il dit au contraire, c'est le capitalisme qui est la seule société où le travail est ouvertement proclamé comme la base de la société. Et ce n'était pas le cas dans des sociétés précédentes. Alors, je répète, il est évident que chaque société, comme chaque individu, doit faire quelque chose pour retirer de la nature ce qui sert pour vivre. C'est une affirmation tellement générique, c'est un peu comme dire qu'il faut respirer pour vivre. Donc on ne peut pas baser une théorie historique ou sociale sur cette affirmation. Simplement qu'il faut un métabolisme avec la nature, comme le dit Marx. Mais la question, tout ce que nous pouvons appeler travail est la question du rôle que ces activités jouent dans la vie. Certaines manières, Karl Polanyi, le grand anthropologue historien anglo-hongrois, est assez proche du problème avec ce terme bien connu du encastrement ou désencastrement de l'économie. Peut-être la prochaine cours, nous reprendrons ce terme. Donc, Polanyi affirme que c'est avec la révolution industrielle, le capitalisme, que l'économie, au lieu de faire partie de tout un réseau de relations sociales, l'économie, d'une certaine manière, devient souveraine et soumet tout à ses propres besoins, de manière que toute la société n'existe que pour l'économie plutôt que le contraire. La Polanyi touche effectivement assez juste, il a peut-être compris certaines choses beaucoup mieux que certains marxistes traditionnels, mais on peut encore le reprocher de rester, comme de supposer quand même qu'il existe quelque chose comme une économie dans les sociétés pré-capitalistes, même avec un rôle beaucoup plus subordonné ou limité. Alors là, je pense que Polanyi ne va pas assez loin. On peut citer des historiens aussi importants comme Moses Finlay, le grand historien de l'Antiquité, qui a écrit un livre qui s'appelle L'économie antique, où il commence en disant que son titre est erroné parce qu'il n'existait pas une chose comme l'économie dans l'Antiquité. Et on peut dire la même chose pratiquement aussi pour Jean-Pierre Vernon, donc l'historien français, ou pour Jacques Le Goff, qui également dit à peu près la même chose pour le Moyen-Âge, même sur notre dernier livre. Il n'existait pas ce que nous appelons aujourd'hui de l'argent ou de l'économie au Moyen-Âge. L'activité productive, évidemment, qui existait, même souvent à des degrés très développés, donc faisait partie d'un ensemble de relations sociales, mais n'était pas constituée en tant que telle comme une entité à part. Ça veut dire, l'activité productive était toujours organisée de manière à être subordonnée à d'autres critères, qui pouvaient être des critères, très souvent d'une manière ou de l'autre. C'était ce que les anthropologues appellent aussi la chaîne du don, donc il y avait une espèce d'obligation de donner et recevoir sur des bases, d'une certaine manière, sur une espèce de la base d'une logique du sacrifice d'origine religieuse. Alors, il ne s'agit pas maintenant de dire que tout acte était directement motivé religieusement dans les sociétés pré-capitalistes, mais il y avait un ordre général de la vie qui était une espèce de, qui était quand même basé sur cette idée d'une do ou de des, comme dit l'auteur, de donner à la nature, donner au Dieu pour recevoir quelque chose. Donc après, ça c'est devenu donner au prêtre, par exemple, de manière à recevoir de Dieu, etc. Mais c'était tous des logiques qui n'étaient pas une logique économique au sens d'aujourd'hui. Évidemment, on faisait ce qui était nécessaire pour avoir la récolte, l'artisanat et tout. Mais la circulation des produits dans cette société ne se basait pas sur un échange de quantité de travail. C'était en général des communautés, donc on était membres et on avait droit à une certaine partie du produit social grâce au rôle grâce au fait qu'on participait au produit global, mais il n'y avait pas une relation directe entre le propre travail qu'on exécutait et sa propre partie du butin social. Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'il n'existait pas un échange après coup. Donc, le capitalisme est une société, effectivement, où chacun travaille pour soi, au moment d'être pas pour soi au plan technique, mais au niveau social. Et après, on va sur le marché, on tente de vendre sa propre force de travail, ou ses propres produits, ou même le produit d'autres, ce n'est pas l'importance. Donc, et si on ne réussit pas, donc d'ailleurs, on retombe d'ailleurs dans une espèce de forme pré-sociale. On peut donc aussi ne pas être membre de la société. Par exemple, le chômeur, pratiquement, n'est plus vraiment membre de la société. Il est juste, par exemple, maintenu par charité. Là, c'était différent, par exemple, dans la société pré-capitaliste. Il existait beaucoup de pauvres, des mendiants, mais il n'existait pas de personnes qui n'étaient pas hors de la société. Parce que chacun avait son rôle pour misérable qu'il pouvait être à l'intérieur d'une forme de communauté où le rôle était, je dis, en général... réglé par deux principes, soit, comme je dis, par une espèce de noblesse, c'est-à-dire une noblesse, une propriété foncière de la part des nobles, donc qui remontait aux dernières analyses d'une conquête militaire, ou sur des principes religieux. Donc c'était les deux grands principes qui pouvaient évidemment après se imbriquer de différentes manières, mais le poste qui occupait la noblesse et le clergé ou le prêtre ou le sacerdote dans les sociétés pré-capitalistes n'était pas dû à leur rôle productif. Il avait une autre origine, surnaturelle ou de conquête. Et après, le travail, ou ce que l'on peut appeler le travail, était distribué après en fonction de ce rôle social qui était déjà là. Et le travail avait essentiellement la fonction, ce que nous disons maintenant au travail, avait essentiellement la fonction de confirmer le rôle social des personnes, dans certaine manière de reproduire la société donnée. Voilà aussi pourquoi ces sociétés étaient peu dynamiques. Je crois qu'on a déjà parlé de ça la dernière fois. Et voilà pourquoi c'est différent de la société capitaliste. Au contraire, c'est le travail qui n'est pas distribué, organisé selon d'autres critères d'organisation sociale, mais au contraire, c'est le travail, c'est la production, c'est l'échange d'unités de travail sous forme donc de profits, de salaires, d'autres, qui devient la base des relations sociales et les autres formes sociales, les autres rôles que peuvent jouer les individus, donc jusqu'au pouvoir politique, etc., sont donnés effectivement par la place qu'ils ont dans la société du travail. On peut l'observer dans tous ces passages, dans les passages du régime féodal au régime bourgeois. Il suffit de penser que la terre, en tant que telle, dans un régime féodal, n'était pas vendable. Les nobles n'avaient pas acquis leur terre. Ils avaient en théorie au moins eu leur terre de la part de quelques rois ancêtres qui les avaient distribués à ses compagnons de conquête. Et après, parce qu'ils avaient ce poste-là, ils pouvaient, ce rôle-là, ils pouvaient faire travailler les autres. Donc, ils ne pouvaient pas vendre leur terre au moins, en théorie, le noble dans l'ancien régime. Et justement, c'était la bourgeoisie, par exemple, au contraire, qui insistait sur le fait que tout doit être sur le marché et que, donc, si on était beaucoup plus capable qu'une autre dans la vie économique, dans le vendre l'acheter. Par exemple, dans le commerce, alors les bourgeois voulaient également avoir, par exemple, le droit d'acheter des terres et d'également accéder à ce pouvoir politique qui était réservé dans son régime à ceux qui possédaient des terres. C'était au moins la logique, grosso modo, qui après, c'était infiniment plus compliqué dans la réalité. Et donc, il n'y a que dans le capitalisme, dans la société marchande, que le travail donc, n'est plus le moyen pour obtenir d'autres fins, mais devant autant que tel le but. Je répète, dans toutes ces considérations, je pense qu'il faut toujours se libérer de poser tout de suite la question qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire. Là, je pense qu'on est tout de suite sur une fausse piste. il est important d'abord de comprendre qu'il y avait cette différence, et donc il existe, et donc il n'a rien de naturel, en plus dans le système capitaliste, mais aussi il n'a rien de naturel que dans l'idée que la société est organisée autour du travail. Donc le travail ou les activités productives sont une partie de la vie humaine, et il n'y a que dans le capitalisme, pratiquement tout le reste est subordonné à ce côté. Et donc, c'est le capitalisme, on dit Postol, est une société où le travail ne sert plus à continuer les structures sociales qui se sont fondées sur d'autres bases traditionnelles, domination politique, ou au contraire, dans les sociétés post-capitalistes, sur un accord général. Mais c'est dans le capitalisme que le travail devient autonome et où sa dynamique anonyme, qui n'est pas contrôlée par personne, devient la base de relations sociales. Et voilà pourquoi on peut dire que le travail, en tant que tel, est un système fétichiste. Parce que le travail n'est pas distribué de certaines manières, de manière consciente, organisée dans le capitalisme. C'est au contraire. Donc la distribution du travail et de ses fruits obéit donc à un mécanisme anonyme. Donc ici, c'est créé derrière le dos des participants. Et où chacun pratiquement et tout le temps, comme d'une certaine manière la bourse va vraiment d'une certaine manière résumer effectivement de toute la société capitaliste, parce que la place et la valeur de chaque individu d'une certaine manière n'est pas fixée comme dans les sociétés anciennes où elle était théorie fixée par naissance, mais on doit pratiquement lutter tout le temps pratiquement pour déterminer sa propre grandeur, parce qu'évidemment que là où l'argent est devenu évidemment le lien social, donc l'argent n'est pas quelque chose de donné une fois pour tous comme le statut du noble, mais quelque chose dans une évolution perpétuelle. Et ça veut aussi dire, l'apostole insiste, pourquoi même une perspective d'émancipation n'est pas de libérer le travail, comme disait le marxisme. Ça ne venait pas de faire accéder le travailleur, par exemple, à gouverner la société ou à donner à chacun selon son travail, comme disait même certaines formules de Marx ou de toute cette idée de libérer le travail là, qui était très fort dans le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que chacun doit avoir sa place dans la société selon le travail qu'il donne à la société. Ça paraît même presque une évidence. Mais là, le mouvement ouvrier, d'ailleurs, démontré d'être vraiment la continuation aussi de la bourgeoisie, parce que c'était la même chose que disait la bourgeoisie. Donc le travail doit être la seule base de la société, il ne doit pas y avoir donc de droit uni ou une propriété foncière qui remontait à des époques mythiques, etc. C'est le moment que le mouvement ouvrier, d'une certaine manière, utiliser cette argumentation contre la bourgeoisie même, parce que évidemment le bourgeois prétendait qu'il y a trois sources de la richesse, le capital, la terre et le travail, et il était donc juste que même le bourgeois propriétaire avait une partie de la richesse parce qu'il était propriétaire du capital et de la terre. Là, justement, le mouvement ouvrier dit non, il n'y a que le travail qui crée la richesse. Voilà pourquoi l'importance aussi pour eux de leur lecture de la théorie des valeurs de Marx, c'est expliquer il n'y a que le travail qui donne la valeur, donc la richesse, et donc toute la richesse doit être aux mains de ceux qui travaillent. Et donc, on finissait de certaine manière, pas par une mise en question de la valeur, mais simplement pour une discussion sur la distribution de la survaleur. Est-ce que la survaleur va être distribuée, comme ça arrive dans la société capitaliste, entre propriétaires de capital, propriétaires de terre et propriétaires de la force de travail, ou est-ce qu'elle doit aller seulement aux propriétaires de la force de travail? Donc, il faut dire que d'ailleurs, ici, le mouvement ouvrier, il n'y avait pas grande différence entre les différents courants. On prend les réformistes et les sociodémocrates, qui on prend les léninistes, ou presque tous les anarchistes et communistes, conseillers, ultra-gauche, etc., ils restent à peu près tous dans ce cadre-là. Il faut libérer le travail, il faut donner donc toute la société, donc tous les pouvoirs, tous les moyens de production à ceux qui travaillent. Ou d'ailleurs, selon les goûts, on les acceptait comme travailleurs, ceux qui avaient la main cailleuse, où on mettait aussi toutes les autres. De toute manière, il y avait toujours l'idée, ou même chez les opéras italiennes, c'est arrivé à l'idée de comment ça s'appelle, l'opéraio complessivo, donc c'est venu du travailleur total. Il y avait cette idée, si on veut, assez bizarre, mais de certaine manière ingénieux chez Tony Negri, donc l'idée que tout et chacun, de certaine manière, est travailleur aujourd'hui, parce que nous tous, même en consommant, nous participons, de certaine manière, à la création des valeurs. Là, c'était une reprise presque parodique, évidemment, du concept de travail. Mais il restait, même dans ce cas, dans ces formes, si on veut, presque terminales, il restait cette idée que la place de chacun doit être terminée par le travail qu'il fait. Et donc il y avait toujours cette polémique entre ceux qui s'approprient la richesse sans travailler. Donc évidemment, voilà pourquoi le mouvement ouvrier n'était jamais loin de cette polémique contre le seul parasite prétendu donc, auquel on reprochait surtout de ne pas se salir les mains. Et voilà pourquoi cela ressort si puissamment actuellement dans cette critique très limitée, c'est-à-dire limités intellectuellement, qui sont adressés contre les banques et contre la spéculation. Et donc pourquoi ça a un tel succès? Parce qu'il y a toujours cette idée qu'en vérité, le scandale n'est pas qu'il y a le travail, etc., même pas l'exploitation, le scandale c'est qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Alors justement, par rapport à toute cette glorification du travail, donc Postone évidemment, propose au contraire de dépasser justement l'idée même que une société doit régler ses relations sociales sur la base du travail. Évidemment, ce n'exclut pas du tout que s'il y a des tâches à faire, qu'il faut le distribuer de manière la plus juste possible. Mais le travail, même dans une société post-capitaliste, doit pratiquement avoir d'abord un accord libre entre les personnes qui peut aussi porter sur les tâches qu'on fait, mais non une loi anonyme donc, où les personnes se rencontrent en tant que porteurs d'une quantité de travail et où le rôle social est donc défini par un mécanisme que leur échappe complètement. Parce que nous avons vu, il ne s'agit jamais du travail qu'on a vraiment prêté individuellement et réellement, mais après, donc, la quantité de travail abstrait, ça veut dire c'est du travail moyen que ça représente. Et donc, pour répondre à mon exemple, je peux être un paysan et bûcher 8 heures pour récolter mon blé, c'est après on importe du blé des États-Unis qu'on a fait la même quantité en 2 heures, mais mon blé, du côté travail abstrait, n'y va valoir que 2 heures, pas 8 heures comme avant. Donc là, l'individu est complètement écrasé par un mécanisme anonyme. Et donc même là, libérer le travail, d'une certaine manière, ça ne veut rien dire parce qu'on reste toujours défini par le travail qu'on fait et non par, par exemple, par les besoins qu'on a ou pour le rôle qu'on peut jouer dans la société. Alors, dernière remarque, après je vous donne la parole, parce que j'ai utilisé plusieurs fois le terme synthèse sociale. Peut-être que ça demande une explication, parce que ce n'est pas un terme très habituel. Alors, on dit, j'ai aussi dit d'autres fois, par exemple, que dans le capitalisme, l'argent forme le lien social, c'est-à-dire ce qui met les personnes en circulation, c'est l'argent. Marx même, avec un terme marxien, il dit, latin, il dit nexus rerum, donc le lien de choses, il dit plaisamment, donc justement que l'argent, c'est le lien social que nous pouvons toujours emporter dans nos poches. Donc là aussi, il y a déjà une grande supériorité évidemment de l'analyse de Marx, parce que l'argent n'est pas pour Marx une simple moyen utilitaire pour faciliter les échanges. Les moyens, donc l'argent, c'est au contraire, donc l'argent est déjà en tant que tel quelque chose, donc le représentant matériel de cette lien social abstrait qui naît de la forme valeur. Mais le terme lien social, donc, selon moi, n'y va pas assez loin. En plus, ils peuvent trop facilement être entendus dans un sens psychologique. Par exemple, aujourd'hui, ce terme lien social est assez à la mode chez tous les animateurs des banlieues. Et donc, on dit tout le temps qu'il faut renforcer les liens sociaux. Et donc, il faut faire, je ne sais pas, des repas dans la rue ou organiser des jeux dans le fond pour renforcer les liens sociaux parce qu'on le sait que nous sommes tous séparés l'un de l'autre, isolés, etc. C'est évidemment vrai, c'est un effet du cabinet des individus. Mais le lien social, dans le sens ici, donc ce n'est pas quelque chose de si, comment dire, personnel ou visible ou psychologique. Il s'agit vraiment de ce qui permet aux individus de se rapporter l'un à l'autre. Alors ici, donc, je préfère le terme de synthèse sociale. À ma connaissance, ce terme a été introduit par un autre penseur marxiste auquel j'ai écrit une préface, Alfred Sohn-Rietel, auteur, donc ami d'Adorno, et déjà dans les années 20 et 30. Alors, qu'est-ce que ça veut dire synthèse ici, d'un élément ? Et c'est une référence à Kant, Immanuel Kant. Alors Kant, vous savez, donc, s'est posé donc, justement le problème, comment une connaissance est possible ? Et on va revenir sur la question d'Immanuel Kant, c'est comme, donc, dans quelques cours, donc, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs Kant est à nouveau assez à la mode, donc il est souvent même présenté comme une espèce de penseur de la liberté. Et moi je vais plutôt démontrer aussi en suivant Kurz et d'autres auteurs de la critique de la valeur que Kurz a été quand même un idéologue, même si on veut, assez agressif et conscient de la nouvelle forme sujet créée par le capitalisme, donc, qui est explicitement présentée comme vide de contenu, comme pure obéissance à la loi, comme volonté sans contenu. Mais pour aujourd'hui, donc, je ne vais pas parler de ça, mais simplement de qu'est-ce que c'est la synthèse chez Kant. C'est Kant, ça veut dire donc, qu'en vérité, l'expérience en tant que telle est nous, en vérité inaccessible. Donc là, Kant s'oppose évidemment au l'empirisme anglais, parce que chaque chose est totalement différente. En vérité, notre tête ne saurait absolument pas comment réagir aux impressions infiniment différentes que nous recevons tout le temps. Alors, dit Kant, il faut alors que tout ce que nous voyons passe par une espèce de filtre, qui sont les fameuses formes a priori. Donc, ce sont essentiellement le temps, l'espace et la causalité. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien concevoir qui n'ait déjà pris la forme d'une. Déjà une certaine, occupe un certain espace, ou qui dure un certain temps, ou qui obéit à une certaine causalité. Ce qui ne passe pas par cette espèce de filtre n'arrive même pas à notre perception. Et donc c'est la raison, c'est l'entendement qui donc opère cette synthèse donc de ce qui est naturellement une espèce de chaos, donc le chaos des impressions, donc il les synthétise à travers des formes qu'il connaît déjà, qui sont déjà déposées dans la tête, pour quand ce sont des formes innées, donc le temps, l'espace, la causalité, et après les autres catégories qu'il énumère. Et sans eux, donc nous ne pourrions jamais rien reconnaître. Ou par exemple, il dit dans la critique de la raison pure que pour pouvoir connaître quelque chose dans l'espace, par exemple une ligne, il faut d'abord que je fais effectivement, que je tire cette ligne et donc que je réalise une certaine combinaison donc, de la multiplicité du donné. Parce qu'il n'y a que ça que nous pouvons reconnaître un objet dans l'espace. Alors, donc pour Kant, il ne parle que évidemment de théorie de la connaissance. D'abord, alors pour lui, ces catégories sont simplement font partie d'une espèce de notre bagage naturel, uni, il ne se pose même pas vraiment la question. Donc après, et donc il y a d'autres, par exemple, d'autres, même des auteurs qui ont assez suivi Kant, par exemple, comme Ernst Cassirer, qui a fait un livre important au début du XXe siècle, La philosophie des formes symboliques, où il démontre d'ailleurs qu'effectivement ces catégories ne sont pas si stables, unies en tant que telles, mais que la perception du temps et de l'espace et de la causalité varie quand même beaucoup d'une culture à l'autre. C'est un livre assez pionnier dans son... Mais l'affirmation qui faisait à peu près la même époque sonnerait-elle un peu différente? Donc lui, il applique les différentes catégories kantiennes vraiment à la vie du capitalisme. Il voit dans la description de Kant une espèce de transposition idéaliste de la réalité de la société marchande. Et il dit donc qu'il doit donc également y avoir un principe de synthèse sociale. Donc ce qui fait finalement que les individus qui, en tant que tels, sont absolument irréductibles l'un à l'autre, peuvent se rencontrer socialement, qu'ils peuvent de quelque manière avoir quelque chose en commun. Ils peuvent aussi, de manière aussi que leur, ce qu'ils participent à une espèce de substance commune. Il y a quelque chose de la substance, ce n'est pas le bon nom parce que c'est le truc trop stable. La synthèse, justement, donc tout ce qui arrive donc passe pratiquement synthétisé pour devenir le même. Et c'est exactement que ce qui fait le travail abstrait, donc les travaux concrets, autant que tels, sont totalement différents, comme les valeurs d'usage, différents l'un de l'autre, et ne font pas de la socialité, ni ne socialisent pas leur porteur. Ce n'est qu'une fois qu'ils sont synthétisés, par exemple, que tous les travaux sont réduits à ce même travail abstrait indestin, que toutes les valeurs d'usage sont réduites à la même catégorie des valeurs, que les individus peuvent effectivement se reconnaître l'un l'autre comme, par exemple, des échangistes. Et donc c'est quelque chose qui, évidemment, qui n'arrive, qui n'est pas fait de manière consciente, mais quelque chose qui est, en même temps, ce n'est même pas né, mais qui grandit dans une société capitaliste, s'habitue bientôt à ne concevoir la vie que sur cet angle-là, de concevoir que tous ont nécessairement une valeur et tous ont nécessairement été payés à un prix, etc. Et donc, ce qui fait que nous, finalement, nous sommes membres d'une société et nous suivons certaines règles au lieu de nous entretuer tout le temps, comme le volet Hobbes, donc ce qui fait opère cette synthèse entre la multiplicité des données sociaux, donc, d'une certaine manière, c'est la valeur. Et derrière ça, c'est le travail social. Parce que, comme je dis, si moi, par exemple, je dis, et toi, par exemple, parce que donne-moi ton beefsteak parce que moi j'ai faim, toi, tu vas me dire, moi je m'en fiche que toi, tu as faim. Parce qu'en vérité, ce sont deux choses qui ne sont pas synthétisées. Ma faim et ta faim sont deux choses différentes, donc en tant que telles, ne se peuvent pas rencontrer socialement si nous ne sommes pas amis, donc en tant que telles. Donc il faut qu'il y ait une espèce que nous nous rencontrons au moins sur un plan où nous avons, où je dis, moi par exemple je te propose mes 10 euros, l'autre qui ont la même valeur que ton beefsteak, alors toi tu vas me donner ton beefsteak, parce que là nous avons synthétisé nos respectives parties sociales dans la même substance qui est la valeur. Et donc, essentiellement, on peut dire, donc, ce principe de synthèse, c'est le travail social. Donc, nous ne sommes pas en société directement pour satisfaire nos besoins l'un de l'autre. Nous en fichons même totalement des besoins des autres. Eux, ils ne nous offrent pas une quantité de valeur, donc d'argent, pour satisfaire leurs besoins. Donc, il y a évidemment toute la sphère des besoins, des désirs et tout. Mais là, ce n'est pas la sphère sociale. Donc là, c'est exactement ce qu'on appelle la vie privée. Donc que nous vivons ou nous-mêmes, ou éventuellement, justement, dans la sphère censée être au-delà de la sphère valeur, comme l'amitié ou l'amour, ou éventuellement encore la solidarité entre voisins, etc. Mais la forme sociale de base dans le capitalisme, évidemment, ce n'est pas la société, l'amitié, etc., mais c'est le marché. Et donc, sur le marché, donc, évidemment, toute notre individualité disparaît. Donc, nous ne nous rencontrons qu'après avoir donc, fait ce process de synthèse. Donc après que nous nous sommes dépouillés de toute notre particularité, et donc, après que... où nous pouvons proposer aux autres exactement la même chose qu'eux proposent à nous, c'est-à-dire donc de quantité de travail abstrait que nous avons fait ou donc nous nous sommes appropriés à travers l'exploitation des autres, etc. Ça ne change pas beaucoup. Je veux dire, qu'on soit exploiteur ou exploité ou rentier ou encore quelque chose d'autre, ça ne change rien à ce niveau d'analyse parce que de toute manière, l'argent est toujours le même, que, évidemment, l'argent de Bill Gates n'a pas plus de valeur que le mien. Et parce qu'il représente toujours, évidemment, une quantité de valeurs et de travail abstrait. Et alors, après cette dernière remarque, il peut quand même dire qu'il existe au moins un autre grand principe de synthèse dans la société moderne, au-delà de l'argent, et c'est le statut de citoyen. Alors, dans la société moderne, ce qu'on appelle démocratie, chacun est considéré un citoyen qui a certains droits qui, en théorie, donc, ne dépendent pas de sa fonction économique. Donc, nous nous rencontrons d'un côté toujours comme porteur d'une quantité de travail abstrait, mais nous nous rencontrons également tous, au moins à l'intérieur du même État, qui est précisément importante, en tant que citoyens, donc évidemment, ont tous également ces dépouilles de leurs caractéristiques, parce que les citoyens sont également caractérisés par le fait que, évidemment, ce qui intéresse devant le droit, ce n'est pas là aussi nos besoins ou notre réalité personnelle. Parce que là aussi, nous le rencontrons en tant qu'abstraction, donc en tant qu'étant défini par des règles des droits. Là aussi, évidemment, le droit ne s'intéresse pas du tout à la question vraiment si j'ai besoin d'un bistec ou pas, mais le droit peut comme s'intéresser, par exemple, au fait que je peux quand même avoir droit, par exemple, à un bistec dans certaines conditions. Hein. Par exemple, je peux, par exemple, avoir droit, disons aussi, par exemple, à une indemnité chômage, etc. Alors là, en plus, apparemment, ce deuxième grand principe de synthèse est évidemment visiblement différent par la synthèse par la valeur. Apparemment, il est beaucoup plus juste et égal, parce que là, d'abord, parce que ce n'est pas quelque chose que nous devons défendre tout le temps sur le marché, ou que nous pouvons risquer de perdre à tout moment. Apparemment, au moins, à l'intérieur d'un État, nous avons ce droit acquis une fois pour tous. Et nous sommes à peu près égaux donc, sur tout le monde. Donc, on n'est plus dans la situation où le noble pouvait cravacher dans la rue, évidemment, le russe très lourd, il ne pouvait même pas le regarder. Mais, et donc, cela fait que une forme de commerce de la gauche depuis au moins 50 ans, c'est d'évoquer donc, le bon principe de synthèse, donc le droit et l'État, la citoyenneté, contre le mauvais principe de synthèse qui réside évidemment dans la lutte, dans la concurrence sur les marchés anonymes. Et une grande partie... des mouvements ouvriers, moi jusqu'à tout ce qu'aujourd'hui nous trouvons donc, sous forme de réclamation des droits, donc toutes les formes de citoyennisme, donc évocation de la démocratie, donc certainement il retourne toujours sur ce point-là, donc on évoque donc la souveraineté du évidemment de la citoyenneté comme principe de synthèse qu'on veut défendre contre un impérialisme, une prévalence du principe valeur. Et donc, voilà pourquoi on évoque tout, par exemple, tout le temps, par exemple, la démocratie contre le marché, la démocratie contre le capital, etc. Alors là, on va en parler une autre fois, mais je dis simplement que du point de vue de la critique de l'économie politique, cette revendication est quand même assez, si on veut, naïve, parce qu'elle pense que donne... la société capitaliste, deux principes, l'État et le capital, se posent sur le même niveau, qu'ils sont tous deux pratiquement, de certaine manière, ils ont la même force, et qu'on peut donc pratiquement, il s'agit donc de renforcer donc, le pôle public, le pôle État, contre le pôle privé, le pôle capital, et donc on peut y réussir justement à travers une pression publique, par exemple avec un renforcement ou de l'État, une certaine version, ou de l'autre, un renforcement des tendances autogestionnaires. Alors on va voir d'autres fois pourquoi cela effectivement c'est souvent avéré une illusion, parce que, pour le dire déjà bref, parce qu'il n'y a pas une véritable équité, donc l'État moderne est quand même essentiellement dépendant du capital. Donc, l'État moderne a une fonction quand même essentiellement subordonnée, pas nécessairement comme comité général de la bourgeoisie, comme le disait, je crois, Engels. Mais à un niveau plus profond, le fait que nous vivons dans une société, nous avons dit, où toute satisfaction de tout besoin passe par la marchandise, donc par le travail, etc. Et il y a cette grande particularité que l'État, en tant que tel, n'est créé pas de marchandises, n'est créé pas de la valeur. L'État ne peut qu'absorber une partie de la valeur créée par, sur le marché et le destiner à d'autres fins. Là, son rôle historique. Parfois, l'État devient aussi un peu capitaliste avec les industries d'État, etc., mais ça reste quand même assez marginal. Essentiellement, donc, l'État vit et quand même, d'une certaine manière, sur une fonction dépendante d'une réussite, d'une accumulation réussie. Seulement où l'accumulation de capital marche, l'État peut en prélever une partie et le destiner à d'autres fins. On peut l'utiliser pour l'État social, ou selon les circonstances, les fonctionnaires de l'État peuvent le manger en grenouille, donc il y a mille manières. Mais après, naturellement, les circonstances politiques peuvent avoir un certain poids sur les modalités exactes de cette distribution. Évidemment, là, par exemple, il y a des syndicats ou des États, des partis de gauche assez forts, il est plus probable qu'une partie relativement grande de la valeur accumulée est distribuée parmi la couche populaire. Mais, comme on le voit aujourd'hui, lorsque c'est l'accumulation en tant que telle qui commence à être en crise, lorsque la masse des valeurs diminue, et lorsque, en plus, la valeur commence à avoir une extrême volatilité et ne se laisse plus emprisonner dans des frontières nationales, l'État perd pratiquement tout pouvoir. Et là, c'est l'illusion de la gauche de penser qu'il faut défendre la délocalisation, il faut augmenter les impôts et tout. Mais évidemment, l'État n'a plus de pouvoir réel dans ces cas-là. Et ce n'est pas une mensonge ou une invention de puissance pour se justifier. Là, c'est quand même une réalité qu'évidemment, oui, on voit avec les partis. Donc, il suffit donc, de mettre beaucoup d'impôts aux riches. Ils peuvent aujourd'hui très facilement s'évader ailleurs. Et donc, à l'intérieur de ce cadre donné, effectivement, donc, ces arguments qu'on fait fuir les capitaux ne sont pas faux. La seule alternative à l'idéologie capitaliste, c'est qu'on utilise simplement la force. Donc, par exemple, on ferme les frontières, on empêche l'exportation des capitaux, on retourne aux monnaies nationales, etc. Mais là, on rentre dans un cycle où normalement la force demande encore plus de force pour être appliquée, encore plus de force, etc. Et là, on a vu aussi que c'est un des problèmes, évidemment, de l'Union soviétique et aussi de la Chine, qu'on ne peut difficilement organiser une accumulation de la valeur par la force. D'une certaine manière, on pourrait éventuellement organiser une production directe avec la force, si c'est bien autre question. Mais on peut évidemment obliger tout le monde à travailler dans le champ. Mais une organisation des valeurs dans un régime industriel se laisse difficilement organiser par la force, surtout lorsque cela n'arrive que dans une partie du monde et le capital peut toujours aller ailleurs. Donc évidemment, cela, je ne veux pas donner raison aux libéraux, c'est à ceux qui disent qu'il ne faut pas trop taxer les riches. Moi, je dis, là, il y a un problème réel que, par exemple, l'argumentation habituelle de la gauche, je pense, sous-estime totalement. Là, le problème n'est pas la mauvaise ou la bonne politique, droite et gauche, mais le problème, c'est une fois que tu as accepté, par exemple, une existence de l'État qui vit en écumant l'accumulation réelle, et cette accumulation réelle commence à tomber à pic dans le monde entier, il y a effectivement un problème qu'on ne peut plus résoudre dans le cadre donné. Alors, je laisse un quart d'heure, pas une demi-heure, j'ai dit à peu près la moitié de ce que je voulais, mais je ne sais pas si je suis trop bavard ou si je commence à me répéter, mais alors on a quand même un peu de temps pour la discussion. Pour rebondir ce que tu as dit, puisque tu disais la dernière fois, par rapport finalement à la place du sujet de l'histoire, la dernière fois tu insistais sur le fait que l'individu était, comme on disait autrefois, un effet de la structure qui était sous-jacente et qui déterminait les comportements, les manières d'être, etc. Et par ailleurs, tu finalement remettait en cause, enfin la critique de la valeur remet en cause l'opposition qui fait partie des classiques du marxisme entre les classes, prolétariat, bourgeoisie, qui, alors pour le prolétariat, qui, encore une fois dans le marxisme classique, était le sujet collectif de l'histoire, ce qui permettait justement un dépassement de la logique du capitalisme. Alors, une fois que tu fais abstraction de ce sujet d'histoire-là, de ce sujet collectif, qu'est-ce qui reste justement? Quel levier reste-t-il pour renverser les choses? Ouais. Bah alors d'abord, il ne s'agit pas évidemment de dire que, par exemple, l'analyse sur l'existence de classes, etc., est fausse. C'est plutôt une question, il y a plusieurs niveaux. Il existe évidemment, ou l'existait au moins pendant longtemps, par exemple, dans les classes réelles, une lutte autour de la plus de la sous-valeur, entre propriétaires des moyens de production et des forces de travail. Mais cela était dans le cadre déjà donné, largement accepté, de la d'une production des valeurs et du fait que l'activité sociale prend la forme de la valeur. Et donc, cette lutte, effectivement, était réelle et on avec des différentes issues qui aussi ont beaucoup compté, évidemment, pour ceux qui participaient. Évidemment, un ouvrier dans les années 60 en France avait une vie assez différente d'un ouvrier au début du siècle. C'était aussi, mais pas seulement, le fait de lutte de classe. Mais au-delà de ça, il y a un autre mouvement qui est donné par ce que Marx appelle le sujet automate, donc cette espèce de loi anonyme de la production, qui, d'une certaine manière, dépasse toute tension consciente des acteurs. Et, par exemple, les sujets automates, comme dit Marx, donc ces mécanismes anonymes ont fait, par exemple, qu'il y a une augmentation perpétuelle de la technologie dans la production qui, d'une certaine manière, a finalement tellement remplacé les ouvriers classiques avec la technologie. Par exemple, la lutte des classes, en termes classiques, a pratiquement perdu son sens. Aussi parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, ce n'est pas tellement pas l'exploitation que ceux qui sont encore dans la production, mais surtout l'énorme existence des gens qui sont superflus du point de vue de la production et qui ne peuvent plus pas du tout participer à la production ou seulement de manière très irrégulière, à des très bas niveaux. Donc des gens qui ne servent même plus à être exploités au sens étroit. Alors, la question du levier, évidemment, se pose, mais il est quand même vrai que, disons, que beaucoup aussi de faiblesses de théories critiques du marxisme classique venaient justement de ce fait de se poser trop immédiatement dans une perspective pratique. Donc, il semblait alors qu'il faut de toute que la théorie est de toute manière toujours un peu la servante de la pratique, comme la philosophie devait être la servante de la théologie au Moyen-Âge, et qu'une théorie ne sert à rien si elle ne peut pas indiquer immédiatement comment en sortir. Je pense qu'il faut voir ce lien quand même beaucoup plus distancié. Il est vrai qu'une théorie sociale critique, naturellement, n'est pas jamais une simple théorie au sens universitaire, une simple considération du monde. Elle veut toujours, au fin de compte, donner une contribution pour changer les choses. Mais elle ne peut pas être immédiatement subordonnée à ce but-là. Elle doit quand même aussi prendre, d'une certaine manière, les choses avec une certaine distance. Et de cette manière aussi contribuer à aussi faire une espèce de changement dans les têtes. Il est évident qu'il est beaucoup plus facile d'organiser une grève contre le salaire insuffisant dans l'usine plutôt que d'organiser une occupation contre le travail abstrait. Cela n'empêche pas que cette théorie, donc, qui prétend de certaine manière d'aller vers le cœur profond de la logique de la marchandise, peut surtout, j'espère, contribuer à mieux comprendre des cataclysmes qui sont déjà en train d'arriver et qui de toute manière se produiront sans ou avec un sujet révolutionnaire, sans ou avec théorie révolutionnaire. De toute manière, la crise économique, la crise énergétique et la crise écologique, en vérité, n'ont fait que commencer, donc ils vont probablement beaucoup se renforcer, se imbriquer entre eux. Et là, il y a quand même assez important de savoir comment on va y réagir à ces problèmes. Est-ce qu'on va, par exemple, encore nous proposer, comme on le fait généralement, retour au plein emploi, retour à la pleine croissance, etc. Donc on va encore tabler sur la logique de la valeur, comme font aussi le Sindaka, une bonne partie de la gauche, etc. Ou est-ce qu'on va vraiment plutôt, par exemple, vers la recherche d'autres issues, par exemple, qui ne sont plus liées, par exemple, au travail, où les individus ne sont plus définis par leur poste, leur place dans la société du travail. Et là, donc, il y a des discussions possibles, par exemple, sur la question du revenu d'existence pour tout le monde. Donc, ce sont des propositions sur lesquelles je ne suis pas nécessairement d'accord, mais qui, quand même, au moins, commencent à poser, de certaine manière, le bon problème. Mais pour répondre à la question de Lévy, en effet, on peut dire que dans les sociétés marchandes, il n'y a pas une classe de personnes qui soit définie par son rôle social ou par son rôle dans le processus de production qui soit destinée de certaine manière à renverser ce système, à se opposer à ce système. Donc cette idée, je pense, comme chez Lukács, d'un prolétariat en soi qui doit encore devenir pour soi, donc des gens qui doivent être contre le système et qui doivent seulement accéder aussi à la conscience de ce rôle révolutionnaire, je pense que cela aujourd'hui ne tient plus du tout. Hein. Aussi parce que les nuisances que produit ce système peuvent frapper tout un chacun, mais aussi à des degrés très, très différés, donc le même petit entrepreneur qui peut être une exploitation sauvage peut à un autre moment, par exemple, aussi se opposer, par exemple, à un projet de centrale nucléaire tout près de chez lui. Donc je pense qu'il y a donc aussi le ravage produit, évidemment, par la logique de la valeur, peut frapper selon des logiques très variables. Et cela veut aussi dire, je pense, s'il n'y a pas une groupe de personnes qui soit sociologiquement destinée à renverser ce système, ça veut aussi dire de l'autre côté, il n'y a aussi pas beaucoup de gens qui sont sociologiquement destinés à défendre ce système à tout prix. Parce que même certaines manières, ceux qui sont les riches et les gagnants, à certaines manières, on souffre beaucoup de peuvent souffrir les conséquences, par exemple sur le plan écologique. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout n'est qu'une question de la bonne volonté ou des bonnes intentions, mais ça veut dire qu'il y a quand même aussi laissé un certain choix pour le rôle de l'individu. Et là, je le souligne aussi parce qu'on accuse parfois la critique de la valeur d'être déterministe ou de pratiquement de proposer qu'on croise les bras en attendant la catastrophe, parce que de toute manière, il n'y a que sujet automate, marché anonyme, et il n'y a pas de sujet révolutionnaire. Ce n'est pas vrai, parce que la critique du sujet révolutionnaire classique ne débouche pas sur une espèce de mécanicisme complet, mais plutôt sur l'idée que le rôle que chacun... aussi la manière comme chacun souffre de ce système, ou l'intérêt que quelqu'un peut avoir pour son changement n'est pas mécaniquement lié au rôle qu'il y joue. Ce qui d'ailleurs est aussi confirmé un peu tous les jours par l'expérience. Mais je sais que c'est évidemment que c'est un peu le point sur lequel la discussion tombe toujours, donc évidemment la critique de la valeur. Personnellement, je pense qu'il est difficile de vraiment récuser ces analyses et ces conclusions, mais évidemment, elles n'indiquent pas directement une solution possible. Mais c'est aussi vrai, il faut utiliser une métaphore, à un médecin, on ne lui demande pas tout de suite de donner une bonne diagnose, non? Donc, on ne lui demande pas tout de suite de indiquer comment on peut se sauver à coup sûr. Hein. La grande différence, c'est que le marxiste, enfin la théorie marxiste, naît justement à partir du moment où émerge dans l'histoire la solution à la question qu'elle pose. C'est-à-dire que c'est le moment où le prolétariat s'organise pour lutter contre la privatisation, les méfaits du capitalisme et tout ça. Et que là, on est dans une version finalement de la théorie marxiste qui s'adosse plus à cette réalité sociale. Bah alors, je pense déjà le tout jeune Marx disait une phrase fameuse que la théorie n'est pratiquement que la traduction du mouvement qui est déjà en acte. Et c'est une phrase qui d'ailleurs a été largement reprise aussi par les situationnistes, par d'autres. Et là, il faut déjà dire que, je dis, il faut distinguer chez Marx un niveau exotérique et ésotérique. Il y avait un niveau où il décrit effectivement les luttes des classes de son époque, qui d'ailleurs a vraiment peu à voir avec ce qu'on a vu après, parce que même ce que Marx appelait le prolétariat était encore une couche largement artisanale, ce qu'il a plus besoin de connaître à Paris. Et de l'autre côté, justement, la partie qui nous semble aujourd'hui la plus valable chez Marx, c'est justement cette analyse du cœur caché de la production de la valeur, le Marx ésotérique, où justement Marx, de certaine manière, a largement anticipé sur une logique qui devait encore se développer. Et justement, je pense que l'important de son œuvre était justement de ne pas seulement exprimer ce qui existait à son époque. Et on peut quand même... Évidemment, il y a un peu de rhétorique dans cette phrase de Marx, mais on peut quand même l'appliquer, même aujourd'hui, on peut dire, même la critique de la valeur, de certains moments, traduit en acte. Évidemment, la théorie de la valeur n'est pas tombée du ciel, ce n'est pas que les théoriciens sont devenus plus intelligents. Il y a cette idée, la théorie de la valeur veut traduire en acte. Évidemment, le grand changement que nous avons vu, surtout à partir des années 70, c'est donc la disparition, évidemment, du prolétariat traditionnel, et donc le fait que la logique de la valeur commence, de certaine manière, à se imposer directement, et donc même au-delà des anciennes structures des classes. Et donc la critique de la valeur, donc, d'un côté, admet qu'une bonne partie des analyses du marxisme traditionnel semble dépassée, mais différemment de presque toutes les autres sociologies, philosophies, etc., elle ne tire pas la conclusion que c'est Marx lui-même qui est dépassé et que donc il faut se tourner vers d'autres formes, mais qu'il y a une autre partie de l'œuvre de Marx qui ne doit pas être appris à la lettre, mais qui peut être la base d'un développement futur qui, en revanche, semble assez approprié au mouvement d'aujourd'hui. Avec cette seule différence, ce mouvement d'aujourd'hui n'est plus à entendre dans le sens d'un mouvement structuré, organisé, donc qui ne cherche que sa théorie, mais de certaine manière, va plutôt une traduction d'une espèce de mouvement dans le sens des actes spontanés dans la société. Mais il faut aussi dire, même chez les situationnistes, cette idée que la propre théorie n'était que de certaine manière, n'était que la traduction de quelque chose que d'autres pratiquaient déjà. C'est une belle formule, moi je pense qu'il y a quand même une partie de rhétorique comme ça. En vérité, c'est le propre de la théorie, en général, d'aller au-delà de la pratique et pas le contraire. Ça peut être une caractéristique de la vie humaine en général, mais que le mot vole évidemment plus rapidement que la réalité. Et donc, une théorie ne perd rien, je pense, de sa valeur si elle ne peut pas indiquer une vie immédiate de sortie de ce qu'on vit. Donc, je pense qu'il y a le cours sur le microcrédit. Je ne sais pas si vous voulez rester pour entendre notre son de planche.